reviens là, grand-mère, reviens là juste un petit peu. Je t'amène prendre l'air, te rappeler les jours heureux. Le temps passe et derrière, on sautait la barrière. Ton mur de pierre et les cousins, tu regardais faire mes enfants. Souviens-toi, grand-mère, souviens-toi de tous ces jeux. Sous le lit de grand-père, dans de grands cerisiers vieux, toujours tes yeux brillaient à croire qu'il t'est manqué. À notre âge, ce que tu nous as donné. Je ne peux, grand-mère, je ne pourrais pas oublier ce fameux dessert et ton hachis parmentier. Quant à la fin du repas, pour la mousse au chocolat, on levait tous le doigt. J'en ai gardé un peu, je crois. Ta maison, grand-mère, ta maison était un nid, bien au chaud, bien couvert, pas une place pour la pluie. Jamais n'entrait la colère, mais que des sucreries. C'était gravé dans la pierre, et maintenant dans ma vie. Je te laisse, grand-mère, je te laisse parmi les cieux. Il n'y a pas d'autre repère qui ne t'accueillerait mieux. Tu me vois, je crois, dans mes paroles et dans mes choix. Je ferai de mon mieux, si je le peux. Je ferai de mon mieux au souvenir d'une grand-mère, pour donner au prochain tous ces beaux jours heureux.